notamment à Rob Ford. Il a eu une excellente année 2013. Il n'a pas de surplus de poids, seulement un surplus de cheveux. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vaud! Yeah! Hey! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre de l'année 2013. Oui, c'est la dernière émission de notre année. Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Hey, ça a été toute une année, hein? Ah oui. Ben, sauf pour le PQ, franchement. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, ça a été une bonne année pour le PQ. Ben non, Fred, vous étiez où en 2013? Ben, ils sont fait télé, là, c'est pas si pire quand même. Ben, c'est pas cette année pantoute, ça. Ah non? Ben non. Ben, c'est bien rendu mélangeant. Ils ont tellement reculé qu'on sait plus en quelle année ils ont été. Ben non, je sais bien. Je pensais que c'était... cette année. Non, non, je sais bien. Non, mais c'est, en plus, je veux dire, si tu fais juste lire la charte, c'est vrai qu'on dirait qu'on est en 1950. Ah, j'avoue. C'est vrai, vraiment, là. Mais ben, puis, en même temps, faut être honnête, cette année, le PQ a pas reculé non, tant que ça, sans blague. Bon, bon prince. Ouais, ouais, ouais. Ben, à part sur André Boisclair une couple de fois, ouais. Mais en même temps, je veux dire. Ah, attends, pas... on les blâme pas, hein. Si on pouvait reculer dessus, on le ferait nous autres. Ouais, ouais, non. Seigneur Dieu. De toute façon, il n'y a pas juste eu le PQ en 2013. Hein, il y a eu les libéraux qui se sont trouvés un remplaçant pour Jean Charest oui. En la personne du bon Dr Couillard. Ah oui. Hein, franchement, oui. Oui, oui qui a le charisme d'un stéthoscope en passant. Oui. Vous avez remarqué? Fred, oui. Au moins, le stéthoscope, t'entends le cœur. Ah, c'est vrai. Ah, oh, bah, ouais. Mais en même temps, mais non, mais vous le savez, il paraît qu'il est très, très, très, très intelligent. Ah, oui. Pour un chef libéral. Oui. Et ça, c'est... ça devrait nous changer, Jean-Marc Fournier. Oui, en tout cas. Mais au moins, ce qu'il y a de fun avec Philippe Couillard, c'est qu'il est clean. Hein. Il a les mains propres. Oui. Mais en même temps, c'est un chirurgien. Donc, il met des gants en caoutchouc. Ben oui. C'est sûr que ça laisse pas de traces. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année? Il y a eu, écoute, il y a eu Option nationale. C'est ça? Bon, ça n'intéresse personne. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la CAQ cette année. Il y a la CAQ qui a connu une année. Une année de 365 jours remplis, franchement. 52 semaines, facile. C'était quoi, de 12 mois? Ouais, ben là, ça veut dire quoi? Ils ont eu une bonne année? Ben écoute, regarde, 4 saisons, 4 trimestres, 2 semestres. Regarde, juste ouais. Ça que je te dise, là, en gros, ils ont passé une année. Juste ça que je te dise, bon, on n'en reviendra pas là-dessus, là, ça sert à rien. Quoi d'autre? Il y a eu la commission Charbonneau. On peut pas, ah ouais, ne pas parler de la temps, commission ouais, Charbonneau. Ouais, en même temps, là, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas été dit sur la commission Charbonneau? Là? Ben je sais pas. Peut-être juste rappeler aux gens que les ingénieurs, les politiciens, les libéraux, les péquistes, les syndicats, les maires des petites filles des grosses villes et les Italiens, ben, c'est pas mal tout des pourris. Ouais. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Non. Bon, OK. Sinon, quoi d'autre? Ben, grosse année d'aller dans le monde médiatique, quand même. L'arrivée de la presse plus. Et on va se le dire. C'était même pas là la blague. Non. Mon Dieu. Hey, c'est pas. C'est magnifique, on va se le dire, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu d'aussi belle publicité. Non. Et moi, ça me donne presque envie de lire les articles. Hein? Hey, dire que je manque ça, j'ai même pas d'iPad, moi j'ai juste cyberpresse. Cyberpresse? Ouais. Voyons donc, c'est comme avoir la télé au charbon, non, ça marche plus. Ça. Voilà, en même temps, on va pas capoter. Un article de Marc-Claude Lortie, c'est un iPad, ça reste un article de Marc-Claude Lortie. Là, je veux dire. J'avoue que dans ce cas-là, la haute définition, c'est pas un plus. Non, mais c'est mais pour les autres, je les lis ouais, mieux. Je lis mieux, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année? Ah, ben, il y a Radio-Canada qui ça, a également changé d'identité. Hein? Ça a fait jaser. Ben, ça a fait jaser. Là là. Mais ça s'est très bien passé. Hein? Bon, évidemment, tous les ici ont mélangé un peu les gens. Oui. Hein, vous le savez. Mais bon, moi, j'ai développé un bon truc mnémonique. Hein? Ah, oui. Je vous le partage. Allez-y. Alors, ben, vous savez, là, bon, quand je vois des images, maintenant, je sais que j'y regarde ici. Télé. Image télé. Télé, voilà. Oh. Alors, quand je vois des sons, je sais que c'est ici radio. Hein? Son ici, radio, radio, voilà. Et quand je vois du texte, je sais que c'est ici Internet. Texte ici. Non. Oui, c'est ça, texte. Non. Ah non, Internet. Internet, voilà, voilà. C'est texte bon Internet, truc. Voilà. C'est, bon c'est rentré tout seul, sans lubrifiant ni rien. Franchement, c'est. Non, c'est. Non, non, mais je trouve ça beaucoup plus simple qu'avant. Oui. Hein? Avant, c'était mélangeant. Ah. Tu sais, là. Radio et la télé. Oui, ouais, ben c'est oui. Ça. C'est... Mais non, non, maintenant, c'est très, très simple. Et c'est vrai que les gens rient. Ah. Hein? Les gens rient. Ils ont ri. Ils ont ri sans arrêt. Oui. Et mais moi, je trouve que c'est un vrai coup de génie. Hein. Ça fait un peu penser au Pepsi Cristal. Oui. C'est vrai, les gens ont ri. Oui. Les gens ont ri beaucoup. Oui. Sinon, quoi d'autre? Ben, ça a été une grosse année aussi pour le Haut-Canada, ah oui, hein, quand même. Franchement, il oui. Y a eu le scandale du Sénat. Et... Ah oui, ça va faire le Sénat, là, hein? Oui, nous sommes outrés, franchement. Hey, là, oui. Oui. D'ailleurs, on n'a pas entendu Jacques Demers là-dessus. Il ne s'est pas exprimé. J'aurais aimé ça avoir son opinion, moi. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est beaucoup sorti d'un journal, hein? Ouais. Puis, c'est des gros rapports. C'est vrai. C'est que les petits. Ouais, c'est pas tant que c'est petit, le problème, mais c'est juste écrit, en fait. Ouais. OK. Sinon... Ouais, c'est pas fin, ça. Non. Bon. Ben, cette semaine, les textes, on a commandé ça en Chine. Hein, ben c'est oui. Pas fort. Ça nous est arrivé un peu. Bon, ben... ça sent le plomb. Sinon, quoi d'autre? Il y a Rob Ford qui a fait jaser beaucoup cette année. Hein? Avec Colin, du crack, de l'alcool, des vidéos trash, des prostituées, des gangs de rue. C'est pas plate à Toronto. Non, hein, voyons, non. Mais ça, les vidanges sont ramassées à l'air. C'est ça que les gens veulent? Oui, il manque juste Rob Ford. Non, ça s'en vient. Sinon, ben évidemment, on a l'élection d'un nouveau maire à Montréal, Denis Coderre. Ah ouais. Hey, c'est pas rien, ça. C'est cette année, ça? Voyons, frère, ça fait à peine un mois. Ah ouais, je trouve ça déjà long. Ah ouais? Ouais. Ben, il reste 3 ans et 11 mois. Fait que faites-vous l'idée. Oui, on va me faire des petites bases sur mon mur. J'espère que vous avez un gros mur. Ah boy, mais vous allez voir, la prochaine heure va passer oui. Très, très vite grâce à nos invités. On reçoit d'abord un des créateurs du magazine Cro, Pierre Huet, oui. Qu'on applaudit fort. Oui. On va jaser du magazine Cro avec ben lui. Oui. Ouais. Le magazine Cro s'est fermé depuis 1995, ça. Oui, je sais, mais en même temps, c'est un peu grâce à eux hein, que la BD au Québec s'est développée. Faut ah pas oui. oublier ça. Ouais. Ah, je pensais que c'était grâce à Tintin. Oui, ben aussi. On reçoit également Daniel Lessard, oui! Notre ami Daniel Lessard. Ouais. Un ami de l'émission? Ouais, il est venu d'Ottawa juste pour nous, Fred. Ouais, en même temps, c'est pas une faveur là, que de quitter Ottawa. Je pense que tout le monde attend juste ça, normalement. C'est comme une occasion plus qu'une faveur. Bon, on aura le temps de demander à Daniel si Ottawa est si plate que ça, parce que la soirée est encore jeune! Eh bien, Olivier, les internets pour 2013. Ben, comme toujours en 2013 et en 2014 aussi, les gens pourront nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ouais. Est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils ne pourront probablement rien voir parce qu'on va être en vacances. OK, là? OK! On passe au courrier des auditeurs. Ben, pour le courrier des auditeurs cette semaine, j'ai demandé aux gens sur Facebook quelles sont leurs prédictions pour 2013. Oui, je me suis trompé d'année. Fait que les gens ont fait leurs fins finaux, ils m'ont dit des affaires comme Denis Coderre va devenir maire, le PQ va présenter une charte. Mais il y en a quand même une couple qui m'ont répondu sérieusement, là, comme Philippe Schkoub-Cockreau, qui prédit que le PQ va continuer de virer à droite, la CAQ à gauche, tant et si bien qu'ils vont finir par se rentrer dedans. Ah! Des bonnes chances. Ouais. Il y a Captain Falcon qui pense que la super poutre sera finalement pas super pantoute. Okay. Et il y a Max Lapp qui prédit une job au PQ pour Fred Simard parce qu'il défend la charte sur nos ondes. Il reste juste à trouver c'est qui Fred Simard. Ben ouais, c'est qui, ça? Je pense qu'il se mélange. Oui, ben ça je doit être vous. Hein. La charte. Ben vous défendez tout le temps la charte. Ben non, je fais juste essayer d'offrir un contrepoids à toute la propagande anti-charte, là. Fait que c'est ça, vous êtes pour la charte. Non, ouais. OK, on va aller parler à Jean-Sébastien Girard pour la dernière fois en 2013. Jean-Sébastien? Ah, mon gros Jean-Philippe, comment allez-vous? Mon gros Jean-Philippe, bien, vous? Très bien, très, très bien. Mais honnêtement, mon bon Jean-Philippe, je vous cacherai pas que je suis un peu fébrile aujourd'hui. Ah, pas encore vos niaiseries. Oui, je suis présentement à la maison, Jean-Philippe, et je m'affaire au dernier préparatif d'un super party Noël que je suis en train d'organiser pour ce soir. Mes invités devraient arriver d'ailleurs d'une minute à l'autre. Mon Dieu, qui va aller là? Toutes sortes de personnes. Vous savez, au courant de l'année, Jean-Philippe, à la soirée est encore jeune, je me suis fait un nombre incalculable d'amis via oui, mes topos. Dans votre tête, oui. Oui, j'ai rencontré des gens formidables et Éric Rémy. Et Jean-Philippe, ce soir, j'ai pensé les remercier en organisant une espèce de best-of, c'est-à-dire inviter mes meilleurs invités de l'année, ceux qui ont accepté plusieurs fois de venir sans embâche se faire traîner dans la boue par mes maudites questions de petit tannant. Ça, c'est vrai que vous êtes un sapré tannant. Un sapré petit galopin de Moses de tannant de fatigant. Un vrai torieux, Jean-Philippe. Oui, que vous êtes drôle. Bon, honnêtement, je commence à voir que le monde rit parce que pour le moment, il n'y a pas un maudit chat. Mais je me dis qu'au pire, je suis toujours bien mieux à la maison, au chaud, que dans votre studio à écouter votre émission spéciale Fadoc. Ah! Oh, Jean-Sébastien! Allez-vous-en donc! Fred, notre premier invité! Il est un acteur marquant de la culture québécoise du 20e et 21e siècle, mais personne ne le sait, mais heureusement, nous le sortirons de l'ombre aujourd'hui. Accueillons M. Pierre Huet! Ouais! Monsieur Huet! Hey, yo. Prenez place! C'est tout. Eh bien, Monsieur Huet, je vais vous dire une chose. Allez donc. Ben Fred parlait de l'ombre. Effectivement, Fred est un grand fan de Pierre Huet. Expliquez un peu c'est quoi Cro pour nos auditeurs. Bon, pour ceux, pour les très plus jeunes, oui. Ben, c'était, le magazine se définissait comme, c'est pas parce qu'on dit que c'est drôle. C'est un magazine qui a sévi, je pense, de 79 à... 95, voilà. Je l'ai dirigé pendant 11 ans, je pense, là-dessus. Ben écoute, c'est un magazine d'humour et de bande dessinée qui, effectivement, a fait beaucoup pour la bande dessinée québécoise. Ben je me rappelle, j'ai vécu avec ça. En fait, c'est mon oncle qui achetait ça parce que j'étais un peu trop jeune. Je suis pas sûr que mes parents m'auraient laissé acheter des magazines comme ça. Mmh. Mais je fouillais dans ces magazines. Je me rappelle de plein de une du magazine Cro. D'ailleurs, la première une de Cro a été dessinée par Serge Chaplot, qui a commencé là, en fait. Et ben pour le premier numéro, si je me souviens bien. Et il y a plein de une qu'on regardait et qu'on se dit, mon Dieu, je peux pas croire qu'ils ont publié ça. Ben, tu vois... c'est pas mal plus rough. Je me souviens, bon, on a commencé, le magazine marchait bien dès le départ. Ouais. Mais est arrivé le numéro 13, curieusement, qui était très fort parce que c'était le 10e anniversaire de la crise d'octobre. Ouais. Et quelqu'un, moi, avait eu une idée pour la page couverture de montrer une valise de voiture, le coffre ouvert, avec un gâteau avec 10 chandelles dedans. C'est comme ça. Et je dois dire que les ventes ont monté d'un cran. Ah ouais. Notre popularité dans certaines régions de banlieue moins, là, mais non, ça a frappé fort, effectivement. Ben, sacrifice. Je peux comprendre. Je me rappelle d'une une que j'ai retrouvée, d'ailleurs, là-dedans, où est-ce qu'on voyait François Massicotte? Évidemment, c'est un dessin, c'est une caricature. Et c'était François Massicotte, et il y avait une petite étiquette à côté qui disait « Si ce tata peut faire 500 000 $ par année, moi aussi. Ouais. » Je veux dire, sac! Imagine en dedans, du magazine. Et tant qu'à se faire haïr de François Massicotte, je me souviens, on avait un courrier des lecteurs qui était évidemment tout écrit par nous, tu sais. C'est ça. Pourquoi se gêner? Ben ouais. Écœurant. Le courrier des lecteurs, là, c'était un liner après l'autre. Et à cause de certaines habitudes qui sont sûrement plus vraies de François Massicotte, de beaucoup s'inspirer des gens, on disait que François était occupé à préparer son prochain show à la machine Xerox. Autrement dit, à copier les jokes des autres. On salue François, d'ailleurs. Bien sûr. Oui, il vient la semaine prochaine, je pense. Ouais. Mais papa, il va répéter mes jokes. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était hyper mordant. Ouais. Et puis, on se pose la question parce que, bon, des fois, ici, nous, on respecte toujours les limites. Oui. Hein, ça, c'est notre grande intelligence. C'est connu. Ben oui. Mais on se demande, est-ce qu'à Cro, il y a eu des débordements? Est-ce que vous avez eu des poursuites? Est-ce que Écoute, étonnamment, non, parce que je m'amuse souvent à dire que faire Cro, c'était comme faire mon droit. Dans le sens, tu t'habitues rapidement à savoir jusqu'à où, pour reprendre Sacha Guitry que tu connais, à dire jusqu'à où tu peux aller trop loin. Je donne souvent un exemple, qu'à l'époque, Claude Ryan était un poétien, un bel âtre de son époque. et comme notre avocat en résidence nous avait expliqué, il dit, si tu écris que la fin de semaine, Claude Ryan sodomise des moutons, c'est correct. Ah! Si tu dis qu'il met la main dans la petite caisse du parti, c'est en danger. Ah! Autrement dit, il faut que tu dises toujours que si tu dis quelque chose chez quelqu'un puis il n'est pas content, il va falloir qu'il aille en cours dire « Non, je ne sodomise pas des moutons. » C'est un peu la règle de compte. On prend des notes! Non, juste une coupe de notes pour... Quelqu'un avec la charte, pas sûr, avec les moutons, tout comme ouais, c'est ça l'affaire. Mais je me rappelle d'une blague, en fait. C'était... Vous parliez de si jamais Robert Charlebois, Ginette Renault et André Gagnon voulaient faire un disque, j'ai vu le loup, le renard et le lion, ils pourraient appeler ça le rat, la baleine et la tapette. Oui. D'ailleurs, je ne savais pas que Robert Charlebois était tapette. Mais, non, et que André Gagnon est très gros. Oui, c'est ça. Ça me surprend moins. Mais comment vous faisiez pour vous promener dans la rue après? En fait, tu vois, je suis content que tu parles de cette blague-là, parce que c'est une blague, et je suis sérieux cette fois-ci, que j'ai toujours regretté. Pour deux choses. D'une part, parce que comme je travaillais en chanson dans des associations de la Socan et autres, j'étais habitué à croiser André Gagnon, à regarder comme par en bas, là, à croiser André Gagnon. Et on avait aussi une règle d'or de ne pas se mêler de la vie privée, surtout la vie privée sexuelle des gens. Alors, essayez de faire on fait qui va être quoi, là, mais donc c'est... Mais c'est parce que, de fait, l'histoire, c'est que ces trois personnes-là étaient allées chanter pour Reagan, qui était venu à Ottawa, rencontrer Mulroney, et tout le monde s'aimait, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était irlandais. Et, et nous, on était outrés par ça. Et que des artistes de chez nous aillent chanter là, ça nous avait beaucoup fâchés. Donc, on avait un peu dépassé les limites qu'on s'imposait nous-mêmes. Un petit peu. Un petit peu. Et aujourd'hui, bon, ça s'est terminé en 95, cette aventure-là. Et honnêtement, ben, quand on regarde ceux qui ont participé, là, on voit Pierre Lebeau, il y a Claude Meunier, mais je veux dire, tous les meilleurs étaient là. Et ça s'est arrêté en 95 assez brusquement, en fait. Il y a eu la sortie des magazines Safarir. Ça, je me souviens, je suis désolé de vous annoncer que j'achetais parfois Safarir. Et, et la question qui me vient en tête, c'est pourquoi Crow n'existe plus? Est-ce que c'est à cause de moi? Ben, d'une part, je tiens à dire, je répète une blague comme François Mascotte. À l'époque, je disais que j'étais content que Safarir existe parce que si quelqu'un avait manqué un numéro de Crow, il y avait rien qu'à lire Safarir, les jokes qui étaient là. Ah ben, Pierre Huet, merci beaucoup. J'espère que vous restez avec nous. Oh oui, parce qu'on va faire une revue de l'actualité tout à l'heure avec notre ami Daniel Lessard. Ben bon. Ben, génial. Vous savez, tout le monde propose son album de Noël. C'est une tradition qui est assez déplaisante. Ben oui. Mais nous, ça ne nous empêche pas de faire exactement la même chose. Donc, je vous propose d'écouter notre version de notre album de Noël. L'album de Noël de la soirée est encore jeune. Un album enchanteur qui marie enfin la féerie du temps des fêtes et le mauvais goût. J'ai eu Bois Clair embrasser un autre monsieur. Et ce n'était pas Jacques Duchesneau. Déballez vos cadeaux au son des plus grands classiques de Noël et de la ville de Québec. Écoutez les sonnettes des radios de Québec annonçant la boîte de chaque jambon qui parle au royaume de Régis Labon. L'album de Noël de la soirée est encore jeune, le cadeau idéal pour tout le monde, sauf pour François Legault. Au petit trot s'en vont les caquistes dans l'anonymat. Après 3 ans dans le fond des sondages, ça s'en va chez le Véra. L'album de Noël de la soirée est encore jeune, un classique du temps des fêtes. Ho, ho, hostie. Seigneur! On va les trouver, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Alors, Jean-Philippe, toujours à mon party où je reçois mes invités préférés de l'année 2013 que j'ai interviewé à la soirée est encore jeune. Pour le moment, il n'y a personne. Ah, attendez, j'ai un texto ici et ça dit « Allô, ma chouette, c'est Filou ». Ça, c'est Philippe Schnob. Je ne pourrai pas rire en raison d'un incident qui nous force à interrompre le service sur la ligne. J'aurais aimé beaucoup être avec vous, etc., etc. Ça regarde mal pour le moment. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, Jean-Philippe. Attendez que je joue. Oh, ben non, c'est ma belle princesse, Jean-Philippe, ma petite Mélanie Jolie. Oh, bonjour, Mélanie. Allô, Jean-Sébastien, ça va bien? Oui, bien. Entre, regarde pas le ménage. Comment tu vas, mon bonhomme? Ça va bien. Écoute, je suis la seule à avoir été invitée au party. Non, c'est juste la première à arriver. Déshabille-toi, enlève ton manteau. Mais t'es donc ben belle. T'as pas un beau manteau. T'as pas des beaux cheveux. Ben voyons donc, gardine-moi donc la belle paire de gants. Qui c'est qui t'a donné ça, ma coquine? Mais dis-moi donc, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps-là? Écoute, j'ai lu des trucs récemment. J'ai entendu dire que tu préparais un livre qui détaille ta vision de la politique. C'est pas un peu étonnant, ça, ma chouette? Je veux dire, c'est pas un peu comme si Denise Filiatro écrivait un livre sur la tolérance ou que Marie... ou que Marie-Claude Lortie écrivait un livre sur le journalisme, ou encore, comme si Nelson Mandela écrivait un livre intitulé « Comment vivre jusqu'à 100 ans ». Ça va être un livre fantastique, je te le dis, tu vas vouloir l'offrir à tout le monde à la soirée est encore jeune. Ça va vous inspirer, peut-être même un jour vous allez faire de la politique avec moi. Ah ben, j'en doute pas. Mais là, maintenant que t'es en train de devenir auteur, tu dois trouver ça plate de savoir que ton livre ne pourra pas être vendu au Costco en spécial à cause de la fameuse nouvelle loi. Parce que je veux dire, Mélanie, on s'entend, là, ton lectorat, on imagine que c'est pas mal la clientèle du Costco. Et le monde de Radio-Canada qui vont le lire en ligne, en fait. On va pouvoir l'acheter en ligne, ici, là. Va nous sortir un fait, Vano, moitié, on se revient dans quelques minutes, mais pinot. Et Jean-Philippe, je vous reviens dès que j'ai des nouveaux invités qui arrivent à la maison. Bon, on a très, très hâte, Jean-Sébastien. Bye-bye! Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui se torche avec des lutins de Noël. Eh hey boy! Bon, je pense qu'on a réglé ça. Oui, je pense que oui. Avant de commencer, j'aimerais offrir... Est-ce que vous voulez une bière, M. Huet? Oui, c'est ça. Ah oui, vous voulez une bière, hein? Non! Non, même pas! Non. Ah, ben mon Dieu! Scratch, oui. Ah, ben voilà, vous me prenez un peu au début. Fred, votre chronique de Noël. Oui, oui, ben vous savez que ce temps-ci de l'année, j'aime bien offrir mes meilleurs vœux aux gens que j'aime, mais surtout à ceux que j'aime un peu moins. C'est presque devenu une tradition depuis la belle époque du pornographe. Alors, encore une fois, cette année, je vais y aller de ma distribution des bons vœux des fêtes. Et pour ce faire, je vais, encore une fois, avoir recours à une trame musicale de circonstance, c'est-à-dire un peu de musique cheap. Alors, s'il vous plaît, Steve, si vous pouvez partir la sauce. Voilà. Ah! Ah! D'abord, à notre bon maire de Nicolas, je lui souhaite une palette de gomme à mâcher de chez Costco. Il va pouvoir marcher en sacrament en même temps que parler et s'éloigner encore plus du format de Rob Ford. Pour les gens de Québec qui s'opposent aux voies réservées et aux pistes cyclables devant leur bungalow de Charlebourg, je leur souhaite de tout cœur qu'on trouve enfin un remède à l'eau du robinet contaminé dans la vieille capitale. À Bernard Dréville, je lui souhaite une deuxième paire de couilles sous le sapin, ça l'aidera à aller débattre de la charte ailleurs qu'au brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste de Rawdon. À François Legault, je lui souhaite de la chance, au moins dans ses poules de hockey. C'est sûrement le seul domaine où il peut encore scorer. À Philippe Couillard, je lui souhaite bonne chance de trouver un roman de Danny Lafrenière en librairie. Au pire, il essaiera chez Costco. Ils ont sûrement un exemplaire de 50 nuances de Danny en stock. Après avoir reçu un sol en 2013, Zanetti, je souhaite aux gens d'Option Nationale un gobelet pour 2014. Ils pourront s'en servir pour boire et tenter d'oublier leur lente agonie. Aux gens de Québec solidaire, je leur souhaite une position claire sur la charte et pas nécessairement celle du missionnaire. Aux compagnies minières, je leur souhaite le retour des libéraux au pouvoir. Hein, comme le disait si bien Pierre Moreau cette semaine, ils ont été bien malmenés ces dernières années au Québec. C'est comme quelqu'un qui est habitué d'avoir tout gratis. Il a beau payer juste une pièce pour ses cochonneries au Dolorama, ça malmène son crotté. Aux journalistes hockey de RDS, je leur souhaite des cours de recyclage en poker, curling, tennis de table et boulingrin. Ça leur permettra de continuer à travailler à l'antenne de la station l'an prochain. À tous les présidents d'organismes publics québécois, je leur souhaite une année 2014 plus facile que la dernière qui vient de se terminer. Les gens ont été durs envers eux. Ils travaillent fort et en plus, ça a dû être traumatisant de ne pas pouvoir se faire rembourser le lubrifiant qui servait à nous entuber depuis tant d'années. Ah! À Justin Trudeau, je lui souhaite un voyage en Chine pour constater de visu qu'une dictature, c'est pas mal moins cute de proche que de loin. À tous les facteurs de Poste Canada, je leur souhaite n'importe quoi d'autre que le gouvernement de clown qu'on a à Ottawa. Mais en attendant, je leur souhaite de pouvoir au moins se convertir en facteur éolien. Hein, monsieur Hubert, vous allez l'aimer. Ils se sentiront plus légers dans la tempête. Ah. Et en terminant, je voudrais souhaiter un très, très joyeux Noël à nos 54 000 auditeurs partout au Canada. Vous êtes fidèles depuis les débuts de cette aventure radiophonique et vraiment sans flamme. Gornerie. Nous pouvons compter sur les meilleurs auditeurs de Ici Radio-Canada Première. Vraiment, un joyeux Noël à tout le monde. Ah, merci, Fred! On va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Hey, Jean-Philippe, comment allez-vous? Calmez-vous, ça va bien. C'est le gros party. Si vous dire le fun qu'on a, on a l'impression d'être au funérail d'André Boclair, c'est pas mal, hein? On a beaucoup de plaisir. Mélanie vient d'enlever son top. Et attention, ça sonne à la porte. Un autre invité. Ben voyons donc, c'est mon petit has-been national, notre petit Che Guevara à nous, le tout petit Gabriel Nadeau. Gabou, comment tu vas? Bonjour, Sébastien. Ça va très bien, toi? Ah, ça va très bien. Gabriel, au fil des saisons, tu as été mon invité le plus assidu. Tu as été invité à 5 reprises. Pourquoi je t'ai invité aussi souvent, Gabriel? Parce que je pense que tu as carrément révolutionné notre pays. C'est sûr que tu dois être fier, rétrospectivement. Je veux dire, avant ta révolution, c'était l'enfer ici, Gabriel. Mais toi, tu as apporté un vent d'espoir. Le Québec s'est mobilisé. Et aujourd'hui, plus rien n'est okay, pas Gabriel. En 2013, l'indifférence et la recherche du confort n'existent plus. La politique corrompue de sous-petit spaghetti est bien loin derrière nous. Mon Dieu, tu dois être fier. Je te trouve un peu. Mais Jean-Sébastien, pour être honnête, je pense que on va mieux, mais on va encore pas très bien, c'est sûr. Et en terminant, Gabriel, comme je demande invariablement à tous mes invités, j'aimerais savoir ce que tu nous souhaites collectivement en 2014. Puis là, c'est Noël, fais pas trop de plate, Gabriel. Qu'est-ce que nous patience avec tes sables, Denbridge, puis tes gaz bitumineux? Ben écoute, je nous souhaite de continuer à faire de la politique, tout le monde, hein, pas juste les élus, pas juste les candidats, mais que tous et toutes, on s'implique plus que jamais en faisant de la politique, en s'informant, en débattant. Je sais bien envoyé, Gabriel. Merci beaucoup. Sors-nous la Sambuca. C'est l'heure du shooter. Et là, va rejoindre Mélanie. Elle a l'air paniquée, la pauvre, et devant ma bibliothèque, je pense qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Alors, shooter, tout le monde. On se revoit dans quelques minutes, mon beau Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Hey boy! Il est pas fin. Non, c'est pas une belle personne, ça. Non. Mais on s'en reparlera plus tard. Notre deuxième invité, Fred. Journaliste retraité, il n'a plus rien à perdre et c'est pour ça qu'il peut dire ce qu'il veut, mais surtout, c'est un ami de l'émission. Accueillons monsieur Daniel Lessard! Wouh! Monsieur Lessard! Salut. Quelle belle surprise. Hey, vous devez être content. Avant d'aller plus loin... Ouais. Qui est François Massicotte? ben, sachez qu'il fait plus d'argent que vous. Oui, oui, non, je veux bien, mais... C'est un humoriste. Ah, OK. Ah, ouais, non, c'est ça. Ben, c'est un humoriste. Moi, je suis appelé celui-là. OK. Non, non, on veut peut-être recevoir... Je suis encore à Yvon Deschamps. Ouais. Mais il était très drôle, Yvon. Daniel Lessard, on est très, très contents. On veut vous recevoir pour faire un bilan de ce qui s'est passé dans la dernière année. Et on a été gâtés. Vous devez être en maudit d'avoir pris votre retraite avec cette année-là qu'on a eue. Non. Ah non, OK. Bon, ben parfait, on va en parler plus ouvertement d'abord. On vous a demandé de quoi vous vouliez nous parler. Vous nous avez envoyé une liste avec, en haut de la liste, Justin Trudeau. Ah oui? Alors, on s'est dit qu'on allait passer tout de suite. On va passer tout de suite au point 2. J'aimerais qu'on parle en partant de Stephen Harper. Parce que ça a été une grosse année. Lui, il est très content de sa session, paraît-il. Hein? Il a publié son communiqué en disant qu'il n'a jamais accompli autant. Qu'est-ce que Daniel Lessard en pense? Je vais reprendre la blague que j'ai faite hier soir, la semaine dernière, au téléjournal. Harper pourrait très bien, en parlant cette année, employer l'expression de sa bien-aimée reine Elisabeth II. Vous vous souvenez quand elle avait parlé de son anus, c'est un mot latin, horribilis. Ouais, ça pourrait s'appliquer. Ça pourrait s'appliquer à Stephen Harper. Ouais. C'est une très mauvaise année. Pire année. Tu peux pas avoir pire que ça. Quand il y a une opération camouflage, je stampe là dans ton bureau et que tu ne l'as pas vu venir ou tu ne l'as pas vu passer, il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de questions qui se posent. Ben justement, est-ce qu'il l'a vraiment vu venir? Est-ce qu'il savait, Stephen Harper? Puis on parle évidemment du scandale du Sénat là, avec ce qui s'est passé. Ouais. Quelqu'un qui sait tout ce qui se passe autour de lui, tout ce que font ses ministres, tout ce que font ses députés, tout ce qui se dit, vous pensez qu'une histoire aussi importante que ça, il ne savait pas? Vous pensez que le lendemain matin, quand Nigel Wright, son chef de cabinet, a réglé l'histoire de Michael Duffy et qu'il s'est assis devant Stephen Harper, que Harper lui a dit, puis Nigel, est-ce que les Canadiens ont gagné hier soir? Ouais. Mais c'était un fan des Maple Leafs en même temps. Oui, je sais. Ouais. Moi, je suis de ceux et je suis en minorité qui pense qu'il le savait depuis le début. Ah oui, hein? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un onde de choc qui va se ressentir encore pendant quelques années, au moins jusqu'à la prochaine élection? Écoutez, la prochaine étape importante, et c'est peut-être ce qui est le plus dangereux pour Stephen Harper, s'il y a des accusations criminelles qui sont portées, soit contre Nigel Wright, soit comme Mike Duffy, probablement que Stephen Harper va devoir témoigner. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un premier ministre parce qu'on va lui demander plein de questions comme quoi, le saviez-vous? Comment ça se fait que ça s'est passé dans votre bureau, etc.? Est-ce que vous étiez d'accord avec tout ça? Ça, c'est l'enfer. L'autre truc qui va lui faire très mal, mais aux libéraux de Justin Trudeau aussi, c'est que février-mars, le vérificateur général a vérifié les comptes de dépenses de tous les sénateurs. Oui. Tous, libéraux et conservateurs. Ouais. Et il a promis, cette fois-là, on ne le faisait pas dans le passé, qu'il allait nommer tous les coupables de tous les abus possibles. Ouais. Alors, c'est probablement pas une bonne année qui s'en vient non plus. Ah ouais, mon Dieu! Mais... Pour nous, elle va être bonne. Ben oui, c'est ça. Faut toujours savoir pour qui. Hein. Pour nous, ça va très, très bien. Jamais le gouvernement Harper n'a été aussi indifférent et presque même hostile envers le Québec. Est-ce que c'est vrai, ça? Il est indifférent et hostile très souvent envers tout le monde. C'est un peu dans la nature du premier ministre. Non, je suis méchant. Non, c'est correct. Non, c'est pas qu'il est indifférent et hostile vis-à-vis du Québec. C'est qu'il sait maintenant qu'il peut gagner et être majoritaire sans le Québec. Ah ouais. Ça. Et je pense que ce qu'il regrette le plus en ce moment, Stephen Harper, c'est que, comme il y a des gros dossiers au Québec, je vous donne deux exemples. Lac Mégantic, l'accident que vous connaissez, et le pont Champlain. Ouais. Si tu avais un gros joueur, un ministre très influent, très crédible, que les Québécois aiment, qui défend ces deux dossiers-là, ça passerait beaucoup mieux. Parce que dans le cas de Lac-Mégantic, il y a eu des négligences, on les compte sur les doigts des deux mains. Ouais. Et dans le cas du pont Champlain, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Donc, il n'a pas de présence au Québec. Donc, c'est l'opposition qui prend la place. C'est comme le NPD, à part Mulcair, c'est pas non plus la fin du monde. La semaine dernière, quelqu'un me disait « Ah, le NPD va gagner ». J'ai dit « OK, nomme-moi trois députés du NPD, sauf Thomas Mulcair. Ben, » C'est facile, le trois. Ben, regarde, on va Alexandre Boulris. Il y a la madame qui va à Las Vegas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ruth, son prénom. On a son prénom. Le Hélène Brosseau. Ouais. OK, on a deux. Maudit, vous me posez une colle, là. Ed Broadbent. Ed Broadbent, non, non, c'est fini. C'est... celle qui était chef intérimaire avant Mulcair, le député de Hall. Ah oui, elle, Nicole. Là. Nicole. Turmel. Turmel. Voilà. Ah, c'est trois. C'est trois. Ils ont nommé de même. Tac. Trois. Bon, quatre, ça serait plus compliqué. Mais, mais justement, vous parlez de Thomas Mulcair. Parlons un peu de Thomas Mulcair, qui s'est révélé être un très bon joueur parlementaire. C'est vrai. Maintenant, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas tant que ça pour lui? Écoutez-vous la période des questions tous les jours? moi, j'enregistre. Je pars trois semaines en vacances juste pour ça. Le masochiste. Ouais. Non, on ne l'écoute pas. C'est vrai qu'on ne l'écoute pas, mais on se fait dire qu'il est bon. Il a été génial. Ah oui? Mais il a été vraiment génial. J'ai jamais vu, moi, en 30 ans de couverture politique fédérale, un politicien dans l'opposition qui est aussi bon que ça. Il a emmerdé Harper comme ce n'était pas possible. Sauf que... Et c'est le drame de Mulcair, c'est Justin Trudeau qui a tout le crédit. Ben c'est lui qui monte dans les sondages. Ouais. C'est lui qui est mieux placé pour renverser le gouvernement Harper. Je ne suis pas capable de vous expliquer ça. Il y a plusieurs raisons qui font que, bon, le NPD, ça a toujours été la conscience des Canadiens. On les aime beaucoup, en petit nombre. C'est ça. Ceux qui posent des questions emmerdantes, un peu comme Québec solidaire au Québec. Exactement. C'est essentiel. C'est orange. Ouais. Ben c'est ça. Mais de là à leur donner le pouvoir, c'est une autre histoire. Parce que j'imagine qu'être bon chef de l'opposition, c'est pas une garantie qu'on est un bon chef au pouvoir. Non, non. Mais moi, je veux dire que, bon, un, il a été génial à ce niveau-là. Et deux, quand il est arrivé à Ottawa, tout le monde disait, ah, Mulcair, il est colérique. Ah, il s'emporte, il saute au plafond, il arrache les tableaux sur les murs. Il s'est calmé. Il est en plein contrôle de la situation. Les gens qui travaillent autour de lui disent qu'il est ferme, mais il n'y a pas de colère inutile. Il ne nous crève pas les yeux. Il fait tout très bien, sauf que ça... Ça pogne pas. Non. Ben voyons donc. C'est fâchant pour lui, parce que c'est rare quelqu'un avec une barbe qui est aussi gentil que ça. Non. Mais là, on a passé par-dessus Justin Trudeau. Faut bien en parler, parce que l'année passée, vous êtes venu nous voir et vous nous avez dit des choses pas fines sur Justin. Et l'année passée, il est maintenant en tête dans les sondages et il est maintenant chef du PLC. Est-ce que vous changez votre fusil d'épaule ou... Mon plus gros problème avec Justin Trudeau, c'est que moi, j'ai couvert le père pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Et je peux pas m'empêcher de comparer les deux. Ouais. Je m'attends pas à ce que mon fils soit aussi brillant ou aussi dépravé que moi un jour. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois que Justin parle, je me dis, qu'est-ce que son père aurait répondu là-dessus? Je peux vous donner un exemple sur la Chine. On a beaucoup parlé. Conférence de presse à Pékin, je suis là. Trudeau vient de rencontrer Deng Xiaoping, qui est premier ministre chinois de l'époque. Il s'était connu à Paris, blablabla. Je demande à M. Trudeau la question qu'il déteste tous. « Avez-vous parlé des droits de la personne? Ouais. » Et là, Trudeau me regarde, il m'a dit « Connais-tu l'histoire de la Chine? » Ben, je dis ouais. « Tu réponds jamais à Trudeau de toute façon. » Il n'y avait même pas de Wikipédia à ce moment-là. Et il m'a dit « Ils ont un système, le seul système qui permet décemment de faire vivre 1,2 milliard de personnes. » S'il n'y avait pas ce genre de système-là, ce serait le chaos, blablabla. Mais il a fait une grande dissertation. C'était une réponse avec laquelle je n'étais peut-être pas d'accord, mais c'était une réponse intelligente, basée sur plein de trucs. Oui. C'est ça. Oui, ça m'a fermé la gueule. Ben oui, c'est demain que ça marche. Et Justin, pas ce genre-là? Ou... Non, pas tout à fait. Non, mais vous savez, et là où je suis... Mais lui aussi, il est chinois. Oui. Bon. Là où je pense toujours qu'il va faire des malheurs, c'est qu'aujourd'hui, on n'élit plus des gens intelligents au gros quotient et on élit des vedettes, des rockstars. Ouais. La Baume à Québec, Coderre à Montréal, Justin Trudeau, Ford à Toronto. Prenez-les tous un par un. Ouais. Ceux qui réussissent et qui vont bien, ce sont des forts en gueule. C'est ce qu'on cherche maintenant. Des forts en gueule et des belles têtes. Et ça, Trudeau, il l'a. Ça fait méchant groupe de musique, par exemple. Ouais. Mais quand même, Pierre-Éliott Trudeau était le fun à caricaturer. C'était fun de rire de Pierre-Éliott Trudeau. Moi, je me disais que la différence entre Pierre et Justin, c'est que Justin avait une mère aussi. Ah, ouais. C'est ça, la fin. Enfin. Mais une campagne électorale, là, Justin Trudeau, comme Vincent Marissal disait, je pense sur les ondes ici, Radio-Canada Première, cette semaine, mais il disait, on verra bien 4 points de presse par jour pendant un mois en campagne électorale si la lune de miel ne va pas se terminer, mais en même temps... Écoutez, il est très capable de se mettre les pieds dans les plats une fois sur quatre. Ouais. Ça va être encore bon pour nous, ça. Ouais, ben regarde, c'est du bonbon. Parlant de petits bonbons, il y a Rob Ford aussi qui a eu toute une année. Rob Ford, là. La vraie question, celle qui nous... moi, j'ai suivi ça et je regarde... Vous me parliez des périodes de questions à l'Assemblée nationale et... aux communes. Aux communes. J'écoute le conseil municipal de Toronto et je trouve ça fascinant. J'ai écouté lorsqu'ils lui ont enlevé ses pouvoirs et je me disais, mon Dieu, c'est un méchant bon show de TV, cette affaire-là. Mais là, à un moment donné, il va-tu juste s'en aller? pour vrai, là, parce que ça n'a pas de sens ce qui se passe avec Rob Ford. Et il est là. Mm-hmm. Daniel Lessard, est-ce qu'il pense que Rob Ford va finir par sacrer son camp? Non. Ben voyons donc. Bah, écoutez, il ne veut pas partir. Ben, je sais et il n'y a pas de moyens légaux. Ici, vous pouvez destituer un maire, comme on l'avait fait avec Gilles Vaillancourt à Laval. Il n'y a pas ça en Ontario. Il faut qu'on se rende à la prochaine élection. C'est dans un an. Il est en train d'essayer de se réhabiliter. Il veut se présenter à la prochaine élection. Il souhaite même, une fois réélu et après, devenir premier ministre du Canada. Ah, ça serait le fun. Comme ils disent, comme ils disent en latin, « sky is the limit ». Oui, c'est ça. Il va... À mon avis, il ne va pas partir parce qu'il est trop tard maintenant. Il est là, il n'a plus rien à perdre, il n'a pas grand-chose à gagner, mais il pense encore qu'il peut gagner l'élection. Il y a un an, vous disiez que Bernard Drinville était notre prochain René Lévesque. On est en fin 2013. Écoutez, si là, je vous dis ça sous toute réserve, je me trompe très souvent dans mes prévisions, mais s'il y avait un congrès de la direction du PQ demain, il y aurait deux bons candidats, Drinville et Lisée, ça va de soi, et d'autres qui ne sont pas mauvais non plus. Je ne sais pas si Gilles Duceppe reviendra dans le décor, blablabla. Ça se ferait entre Drinville et Lisée. Et ce qu'on me raconte de mon ami Drinville, parce que ça reste, même s'il est ce qu'il est aujourd'hui, un ami, on a travaillé ensemble de très près, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'aime encore. Drinville, il a l'intelligence de la joute politique. Il a fait beaucoup de barbecue, de soupers à spaghetti, ce qu'on appelle des IOU. Ouais. Chaque fois qu'un député dans son comté dit « Moi, j'ai besoin d'une grosse tête d'affiche pour ramasser des fonds », il y allait. Il ne se faisait pas tirer l'oreille. Donc, il y a des gens qui ont des dettes envers lui. Et en politique, l'organisation, ça compte pour beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis toujours aux gens ne battez pas Stephen Harper trop vite. Il a la meilleure organisation au pays. Elle est prête à tout, y compris les trucs robotisés que vous connaissez. Ils ont des millions et des millions de dollars à dépenser. Il y a 30 % de gens au Canada qui voteront jamais pour les deux autres partis. Battez pas Stephen Harper trop vite. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous avez comparé René Lévesque à des soupers spaghettis. Je trouve ça un petit peu spécial. Mais donc, c'est vraiment notre prochain René Lévesque ou c'est notre prochain souper spaghettis? Vous avez dit ça vite. Oui. Puis je pense encore, je connais Bernard, je sais qu'il a de l'ambition. Ouais. Il a fait dans le dossier de la charte un bon travail. On peut lui reprocher des choses. Moi, je lui reproche surtout d'avoir mal lancé sa bébelle dans un journal et dans une fuite, de ne pas avoir d'études sérieuses qui nous démontrent qu'il y a tant de femmes voilées qui travaillent dans la fonction publique, etc., etc., de s'appuyer sur des commentaires que les politiciens entendent au Tim Hortons et de dire « les gens veulent ça ». Je peux lui reprocher beaucoup de choses, mais il a très bien vendu sa salade, il a très bien mené ce dossier-là, a permis au PQ et à Pauline Marois de reprendre le contrôle de l'ordre du jour, de marginaliser encore davantage de la CAQ et de faire ressortir les lacunes de Philippe Couillard. C'est pas comme stratégie politique. Oubliez le contenu, oubliez le fond. Là. Mais juste comme stratégie politique, c'est... C'est déjà pas pire. Ben, merci beaucoup, Daniel Lessard. Merci énormément, Daniel, de venir à chaque année comme ça nous rappeler que Justin Trudeau s'en vient. Fred, présentez-nous notre dernier chroniqueur. Comme il a passé l'année à se farcir de la radio jambon, il est devenu obèse du canal auditif. Oh, Seigneur. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben pour mon bilan de l'année, j'ai décidé de revenir sur certaines déclarations de vos commentateurs préférés pour essayer de voir si elles ont bien vieilli. Et commençons avec Sylvain Bouchard de Cogeco qui, au début de l'année, déplorait le fait que le Québec sombrait dans l'anarchie. Quand tu mènes un combat, que ce soit contre Charest, le maire de Saint-Bruno, un autre, il y a des règles. Ben au Québec, en 2012, les règles ont disparu. C'est l'anarchie, c'est le citoyen qui décide, puis c'est vulgaire. Ben au Québec, en 2013, Bouchard devenait lui-même anarchiste et évoquait la possibilité de défier les règles et de bloquer les voies réservées aux autobus à Québec. C'est ce qu'on appelle la vulgarité à deux vitesses. En janvier, c'était aussi le retour du hockey après un long lock-out et Régent Tremblay se demandait si Piqué Souben avait tout ce qu'il fallait pour aider le Canadien. Piqué Souben, là, on sait à peu près ce qu'il y a entre les deux jambes. On sait pas vraiment ce qu'il y a entre les deux oreilles. Ben depuis, Piqué a gagné le trophée Norris du meilleur défenseur et les boss de Régent ont découvert que ce qu'il avait entre les deux oreilles ne valait pas ce qu'il mettait dans ses poches puisqu'il n'a plus de chronique à la radio. En février avait lieu le sommet sur l'éducation du réseau Liberté Québec dirigé par Joanne Marcotte qui avait promis ceci avant qu'il ne commence. Je jure, là, s'il n'y a pas au moins 150 personnes là, nous autres, on va commencer à comprendre qu'on est complètement déconnectés. Ben oui, et finalement, leur sommet aura attiré 110 personnes, ce qui vint confirmer la déconnexion du RLQ. Ah, puis... Les gens sont méchants. Il y a ça aussi. Il y a eu à un moment donné une espèce de, tu sais, du speed dating, sauf que là, c'était du speed meeting. Tu avais deux minutes chaque pour dire, bon, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie pour faire la promotion des idées de liberté? Eh oui, du speed dating libertarien. Une belle occasion de rencontrer quelqu'un qui vous aimera pour ce qu'il est. Régent Tremblay, par exemple. Plusieurs personnes bien pluguées chez les libéraux s'inquiétaient aussi en début d'année des répercussions catastrophiques de la commission Charbonneau. Esther Bégin était de ceux-là. Qui va vouloir se présenter à une élection municipale au Québec? Qui? Personne. Qui va oser, va se dire, bon, ben là, je vais me faire salir sa place publique, je vais me faire descendre, je vais me faire tirer des tomates. Et on va briser ma réputation pour le reste de ma vie. Qui va faire ça? Mais finalement, le Québec a battu le record de candidatures au municipal avec plus de 13 000. Et ceux qui bâchaient la commission lui trouvent plein de vertus depuis qu'elle s'attaque aux syndicats. Tout est bien qui finit bien. Sinon, grosse campagne de mobilisation autour des autocollants écœurés de payer, ce que les sociologues de Radio X au Saguenay ont décrit comme... C'est le soulèvement de la majorité silencieuse. Et oui, sauf qu'augmenter le volume du silence, ben ça ne change pas grand-chose. Et c'est pourquoi on n'entend plus parler de tout ça et que la majorité silencieuse, le vrai monde et monsieur et madame tout le monde continuent de payer. En mars, suite au déboire de Pierre-Hugues Boisvenu au Sénat, Robbie Moreau de Radio X évoquait un grand complot. Moi, ce qu'on m'a confirmé, c'est qu'il y a un parti présentement au fédéral qui est en mission commandée pour faire exploser le Sénat et encore plus les sénateurs conservateurs. Ben Moreau avait raison, un parti a bel et bien fait exploser le Sénat, soit le parti conservateur lui-même. En juin, on a commencé à se poser des questions sur le turban au soccer. Les tenants de la ligne dure envers les accommodements raisonnables ont vu dans cette interdiction un pas dans la bonne direction. L'an prochain, c'est quoi, Richard? Le kirpan au judo? Le turban au hockey? Un gardien de but, ça va arriver, là, un gardien de but sick, il veut mettre son turban et son masque de goaler. Ça fait pas. Non, mais c'est vrai, ben, ça va arriver. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est le Québec de demain. Eh oui, mais nous sommes maintenant dans le Québec de demain, mais comme la charte est une proposition des maudits péquistes, Dominique Moret et ses amis trouvent soudainement que le turban, ben, c'est bien correct. Pourtant, en octobre dernier, nos plus grands experts de la politique, comme Jean Lapierre, s'imaginaient que la charte mettait la table à des élections. Est-ce que tu crois toujours à ton 75 % de scénario d'avoir une élection avant les fêtes? Oui, j'y crois toujours. Et est-ce que je crois toujours que Jean Lapierre devrait se contenter de spinner des trucs des libéraux? Oui, j'y crois toujours. Mais je m'en voudrais de terminer sans mentionner le premier scoop de l'année de Radio X déniché par Stéphane Gendron le 6 novembre. Je vous annonce en grande primeur et vous l'aurez entendu sur les ondes de Radio X. Demain, c'est confirmé, Jacques Duchesneau remet sa démission auprès de François Legault et quitte la CAQ. Hey, avec des scoops comme ça, je serais pas surpris que Radio X augmente ses cotes d'écoute au-delà du 1 % et c'est ce qu'on leur souhaite pour 2014. Ah, merci Olivier! Parlant des sondages BBM, ben, ils ont démontré que certaines stations de radio s'en sortent moins bien que d'autres, mais avec un peu d'optimisme, on peut venir à bout des pires moments. On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, tous ceux qui pensent pas comme nous. Vous êtes toujours avec Kevin Gosselin sur les ondes du Radio X Jazz, l'émission des airs d'Ariens. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs. Nous avons reçu nos résultats BBM, 1 % de part de marché. Ça peut sembler peu pour nos détracteurs, mais comme nous avions 0,4 % de part de marché l'an dernier, c'est quand même une augmentation de plus de 100 %. Donc, merci à José, Cathy, Dave et Mark, ainsi qu'aux nouveaux auditeurs Jeff, Nancy, Chuck et Mario. Sinon, je vous rappelle qu'il n'y a pas que la mort du terroriste Mandela dans l'actualité. Il y a aussi notre guignolé 2013 pour venir en aide aux hauts dirigeants qui nous permettent de gagner notre vie honorablement. Il n'y a pas que les pauvres qui ont droit de recevoir des choses à Noël, les hauts dirigeants aussi, surtout que eux, contrairement aux pauvres, donnent beaucoup et il est temps de les remercier en leur offrant des paniers de victuailles. Évidemment, contrairement aux BS, ils ne se nourrissent pas de canage ou de gâteaux Dunkin' Hines aux fraises, donc donnez généreusement mais des choses qui plaisent aux riches, caviar, foie gras, champagne. Alors toute l'équipe du Radio X Jazz nous bloquerons la voie réservée sur René Lévesque devant nos bureaux pour accueillir vos provisions. Et contrairement aux radios communistes, il n'y aura pas de docteur Julien à notre guignolé, mais plutôt le docteur du pare-brise qui commandite notre événement caritatif. Donnez généreusement. Et pour vous inspirer dans votre générosité, on s'en va écouter, tiré de l'album The Swinging Buddy Rich, la pièce Me and My Jaguar, sur les ondes du Radio X Jazz, le 91, blanc. On va les retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, Jean-Sébastien, c'est toujours le grand fan de Gros Party ici. Ben, il y a encore quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Ben, entrez, entrez. Ben, Ben voyons donc, Jean-Philippe, c'est Rosaire! Rosaire, le sapin de l'émission, c'est pas trop tôt avec Marie-France Bazot! Bon! Après, comment allez-vous, mon beau sapin? Ben, autant qu'on peut aller quand on se fait appeler Rosaire, qu'on se retrouve avec un compte Twitter qu'on gère même pas. C'est un honneur de vous avoir ici, Rosaire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de vous depuis plusieurs semaines le matin. Ben oui, quasiment plus que culture et d'actualité. Ah, ça, c'est sûr, mon beau Rosaire. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Mais là, j'ai une maudite pile de cadeaux à mes pieds pour l'équipe de la soirée est encore jeune. Ah. Puis je viens de débarrasser de ça au plus crisp. Ben, c'est excellent. Alors, donnez-moi ça. Je vais les développer ici pour eux à l'émission. Puis je vais leur donner ce soir à notre partie de bureau au Vieux du Lutte. Donc, le premier, c'est pour Jean-Philippe Gauthier. Ouais. Donc, alors, je développe le premier cadeau pour Jean-Philippe Gauthier. Ouais, ouais. Ah, c'est quoi ça? C'est une nouvelle émission à Télé-Québec. Mais c'est parce qu'il y en a déjà une, mon beau sapin. Non, une nouvelle émission, je veux dire, une émission qui a de l'allure, avec des invités qui sont pas des restants de Tout le monde m'en parle, puis un co-animateur qui a de la répartie, puis qui met pas tout le monde mal à l'aise pendant ses numéros d'ouverture. Maintenant, un beau cadeau pour le beau Jean-Philippe Cipriani. Jean-Philippe Cipriani... Ah, c'est quoi ça? C'est un avenir professionnel. Pourquoi exactement? Ben, je veux dire, faire des chroniques de 30 secondes à la fin d'une émission de poêle. Je veux dire, à 40 ans, c'est pas possible. Ou ben donc, tu changes de gentil. Ben, vu de même, c'est sûr. Et le dernier cadeau? Bon, ça, c'est pour Olivier Niquette. Olivier Niquette... Ah, c'est quoi ça? C'est un changement de carrière. Ah, pourquoi donc? Ben, moi, j'y verrais plus d'aller à facteur à Poste Canada. OK. Effectivement, je pense qu'il serait bon là-dedans, il n'y a pas besoin de parler. Mais... Mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir comme facteur. Ben, certainement plus qu'en travaillant radio. Ah, ça, c'est sûr. Hey, mais mon beau, ça peut vous dire comment, grâce à vous, on a retrouvé la magie des fêtes. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Jean-Philippe, je vous invite évidemment toute l'équipe à venir nous rejoindre oui. à cette émission. Mais surtout, Jean-Philippe, je vous invite à ne pas rater l'émission Les Bronzes. OK, là, c'est pour vrai, là. Le 5 décembre à 15h, on va sortir la pointe et que ça déjà. Joyeux Noël! Hey, ben, joyeux Noël, Jean-Sébastien. J'espère que vous allez passer ça en famille. Mon père, il est mort. J'oublie tout le temps. Ben, bon, tête à tête. Bye. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire nous a préparé une petite surprise pour notre dernière émission de 2013. Accueillons Jean-Philippe Cipriani! Hey, qu'on finisse ça cette année-là. Jean-Philippe, vous nous avez préparé quoi, là? Ben, on est toujours à l'avant-garde. Alors, ouais. Voici la revue de l'année qui s'en vient. La revue de l'année 2014! Hey, c'est notre budget de l'année qui passe. Hein? Alors, scène québécoise. Scène québécoise, d'abord, le premier ministre du Québec, Pierre-Carl Péladeau, a terminé son année sur une bonne note. Il a finalement été en mesure d'imposer l'émission Le Banquier dans le programme d'enseignement des mathématiques au secondaire, les valises étant les électeurs. Il a aussi annoncé une entente avec HBO qui va diffuser la période de questions désormais animée par Sébastien Benoît, où chaque séance débute par un nouvel hymne de Stéphane Venn que les députés chantent en chorégraphie. Autre changement, la Gazette officielle a été intégrée dans le séjour avec beaucoup d'images et le Conseil des ministres est télédiffusé en direct du jacuzzi dans une mise en scène d'Yves Desgagnés. Le ministre Bernard Drinville a présenté son nouveau projet de charte après celle de la laïcité qui a sonné le glas de l'émission Alla Distasio, comme vous savez. C'est au tour de la charte de la pilosité qui abolit les moustaches dans la fonction publique tant chez les hommes que chez les femmes. Drinville a reconnu qu'aucune plainte n'avait été rapportée mais a souligné qu'il y avait quand même un malaise et il a signé un article dans le New York Times qui compare son projet au New Deal. Enfin, les rumeurs d'élections vont bon train. François Legault n'a pas pris de chance en publiant un nouveau livre intitulé « Plan ciel », tandis que Philippe Couillard a déjà trouvé un slogan de campagne fracassant. L'important, c'est ça qui compte. Des nouvelles d'Option nationale maintenant? S'il vous plaît. Toujours pas. OK. Alors, sur la scène fédérale. Scène fédérale, le premier ministre du Canada, Maxime Bernier, a consolidé sa préparation en vue de l'année électorale qui commence. On se souvient qu'il a pris la relève de Stephen Harper, forcé de démissionner pour crime de lèche-majesté. Il s'est recyclé dans l'élevage industriel de chinchilla. Alors, le premier ministre Bernier a rapidement fait adopter ses réformes ouais. majeures. Il a notamment nommé des anciens d'occupation double au Sénat. Les rapprochements se font dans la Chambre haute entre Cynthia, pas de H ni de Y, Christina avec un Y, Khaled avec des muscles et Jimmy, pas de bobette. Quant aux anciens sénateurs, nous en sommes au 64e jour de siège au Sénat où ils sont barricadés en dedans pour empêcher son abolition. Ils disent avoir encore du Viagra et des canettes d'ensure pour tenir un an. Mentionnons aussi l'adoption du nouveau cours d'histoire du Canada. L'univers commence 4000 ans avant Jésus-Christ quand Dieu crée les hommes et les dinosaures qui sont toujours au pouvoir. Le Canada est fondé en 1812 à l'issue d'une guerre remportée par le Rasecor et les succès militaires du Canada se succèdent au 20e siècle, dont la guerre de Corée qui a permis la naissance du Gangnam Style. Ben oui! Les Canadiens ont produit le hockey, le café Tim Hortons, les Joe Louis, Justin Bieber et M. les Pandas, tandis que le nationalisme québécois s'est éteint avec la diffusion de la deuxième mouture de la poule aux œufs d'or. Des nouvelles du Bloc québécois maintenant? Oui. Toujours pas. OK. Sur la scène montréalaise. Année chargée pour le maire de Montréal, Denis Coderre. 5248 tweets et 24 plaintes du Canadien de Montréal à la suite de commentaires désobligeants. Après avoir terminé l'année 2013 avec Régis Labeaume, il a conclu l'année 2014 par un sommet avec son homologue de Toronto, André Boisclair. Lorsqu'ils ont chacun inauguré leur bobblehead respective. Des nouvelles de Louise Arel maintenant? Toujours pas. Ah! Sur la scène culturelle! Bonne nouvelle, Québec va produire une sixième saison de la Commission Charbonneau. On sait que l'intrigue a pris un peu souffert cet automne quand les personnages de Tonia Curceau et Rénal Desjardins oubliaient constamment leur texte. Par ailleurs, Radio-Canada a dévoilé son nouveau nom après le succès mitigé de ICI. Elle s'est tournée vers une autre boîte de pub à grands frais. Il s'appellera dorénavant WTF. Du même souffle. On apprend que Mike Duffy, Patrick Brazeau et Pamela Wallin se joignent à l'équipe de collaborateurs d'André Principal. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la controverse émanant du nouveau site trouble.journaldemontréal.ca où l'on ne retrouve que des textes de Richard Martineau et Sophie Durocher. D'ailleurs, le succès de l'année en salle, on attendait les Morissette, voire les Malaises avec Patrick Lagacé et Jean-Philippe Vautier. Finalement, c'est le spectacle de Richard Martineau et Sophie Durocher, les Burkas Mentales, qui a enregistré le plus d'entrées. Et sur la scène sportive, finalement? Oui, enfin, au sport, les athlètes canadiens ont remporté 26 médailles, 2 morts et 4 empoisonnements à la dioxine au jeu de Sochi. Et au hockey, le Canadien a été éliminé de nouveau aux séries au printemps, mais c'est l'arrivée des matchs sur les ondes de TVA qui a bousculé les conventions avec Dave Morissette à l'animation, Claude Poirier à l'analyse et Richard Martineau aux échos de Vestiaire. Plusieurs ont souligné en voyant le patron de TVA lui-même comme concurrent au banquier pour financer les droits de diffusion, il faut le faire. Ouais. Mais ce n'est rien comparativement à la CBC qui est devenu diffuseur et qui a vu Don Cherry être remplacé par Rob Ford. Soulignons enfin les grands disparus de 2014, la gouvernance souverainiste, le conservatisme d'empathie et la responsabilité ministérielle. En terminant, Jean-Philippe, n'oublions pas que le pont Champlain est fermé ce week-end pour l'installation d'une 8e poutre. Les discussions en vue de la construction vont rondement selon Ottawa qui a confié les rênes du projet à un homme de décision, Paul Martin. Ben, c'était la revue 2014 de Jean-Philippe Cipriani. Déjà terminé pour la soirée T'es encore jeune en 2013. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est la Bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe pour cette merveilleuse année 2013. Un gros merci à nos invités de ce soir. Pierre Huet, on court acheter les années crocs. Et puis on attend les prochains livres là, qui vont sortir bientôt en librairie. Je sais bien. Pierre Huet. Et évidemment, Daniel Lessard. Bonne retraite. Merci. Bon. Et on se revoit l'année prochaine quand Justin Trudeau va être à la tête du pays. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en 2013. On se retrouve le 10 janvier 2014 pour d'autres folles aventures. Et si vous avez envie de débuter l'année avec nous, il nous reste encore quelques places. Vous nous écrivez. L'enregistrement se fait donc le 10 janvier à 16h. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de la part de toute l'équipe un joyeux Noël et une heureuse année. Oui. Yeah.